Salut à tous, bienvenue dans Overdrive, c'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Duo en ouverture Coverdale Page pour cet album paru il y a tout juste 30 ans. C'était en 1993, donc la rencontre entre David Coverdale de Whitesnake, ancien Deep Purple bien entendu, et Jimmy Page de Led Zeppelin. Donc Jimmy Page se ferait une certaine cure de jouvence dans les années 90 après avoir officié et avoir lancé tenté de lancer le projet The Firm avec le chanteur de Bad Company, nous relançait ce nouveau projet sur lequel on retrouvait bien entendu les influences de Led Zepp avec un côté hard rock plus américain dans la veine de ce que faisait un petit peu Whitesnake à l'époque, bien entendu gros refrain et gros son était de la partie Shake My Tree qui ouvre cet album. Voilà, donc dans Overdrive, on aura de la bonne nouveauté ce soir. Le groupe Clone nous revient avec son dernier album Meanwhile. Donc Clone avait lancé des projets un petit peu de musique plus acoustique, de tournée, voilà, s'éloignant album après album du métal. Et là, donc, on va pas dire qu'ils reviennent un petit peu aux sources. Néanmoins, les guitares saturées se font plus présentes que sur les dernières réalisations du combo de l'ouest de la France. Et ils nous offrent quelque chose qu'ils n'avaient jamais vraiment complètement fait dans leur musique, qui garde à la fois ce côté très éthéré et aussi un son assez lourd. Ça s'appelle Meanwhile. Le groupe a une grosse tournée devant lui puisqu'ils assureront la première partie du Devin Townsend Band sur la tournée qui arrivera au mois de mars-avril. De quoi s'amuser et célébrer comme il se doit ce dernier album Meanwhile par le groupe Clone. Yes, le groupe Clone tout de suite dans Overdrive pour un superbe dernier album. Ils auront la chance de ouvrir pour Devin Townsend sur la prochaine tournée. Voilà qui devrait être une superbe occasion de célébrer leur musique. Laura Cox maintenant dans Overdrive. Laura Cox. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une guitariste qui s'est fait connaître, bien entendu, sur YouTube en faisant des reprises de classiques, du classic rock, du hard rock des années 70 et 80. Et elle nous sort maintenant depuis quelques années plusieurs albums solo où elle est à la guitare et au chant. Le dernier vient de voir le jour, ça s'appelle Head Above Water et on s'envoie le morceau Swing It Out tout de suite dans Overdrive Radio Duo. We'll be right back. Yes, vous venez d'entendre Nevena sorti sur le label Frontiers Records pour du hard rock mélodique. On va continuer avec ce qui est une des grosses sorties de ce début d'année 2023. Il s'agit de Catatonia et de son Sky Void of Stars. Le groupe a joué à guichet fermé du côté de Lyon la semaine dernière en compagnie de Sol Staffir. Ils ont fait une prestation remarquable. Pour l'heure, on va passer à un extrait du dernier album de Catatonia, Sky Void of Stars, qui se veut un peu plus, on va dire, direct que les albums précédents qui se valaient un peu plus progressifs. Ici, Catatonia nous offre des formats courts extrêmement bien produits, enregistrés, arrangés, composés, bien entendu. Un extrait de cet album, Sky Void of Stars, ce sera Catatonia. Excellent, un dernier album de Catatonia, vous venez d'entendre Sky Void of Stars avec le morceau Birds. Et on rappelle, ils ont joué à guichet fermé du côté de Lyon la semaine dernière avec Salt Staffir. Après Catatonia, on va passer au groupe Livesin, si vous ne connaissez pas ce groupe, vous connaissez certainement sa chanteuse qui faisait partie de ce groupe qui avait tourné un petit peu en Europe il y a de ça un peu plus de 10 ans. C'était Sister Sin. Donc Sister Sin, il s'agit du nouveau projet de la chanteuse de Livesin. Et on écoute ça tout de suite dans un style un peu moins peut-être rock and roll que ce que faisait Sister Sin. Ce sera du métal plus moderne sur cet album Kali Yuga qu'on envoie tout de suite par le groupe Livesin. Vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo. Il est 22h passé de 3 minutes. Still hard to believe I've been lying in love. Yes, Liv Sin avec la chanteuse de l'ancien groupe Sister Sin pour du métal assez moderne. Tube très bien produit, très bien envoyé. Également, on revient sur un disque qui fête maintenant quasiment ses 20 ans. Il s'agira de Lionheart de Saxon, un album pour moi mésestimé puisqu'il s'agit à mon sens de l'une des meilleures réalisations du combo anglais. Vraiment une excellente qualité sur cet album. Tout du long, on a des titres speed, des titres épiques comme le morceau titre. Bref, tout est bon à prendre dedans. Et j'ai choisi un morceau qui n'est peut-être pas l'un des plus connus du groupe du Beef by Ford, mais à mon sens, on a là quelque chose qui pourrait être quasiment dans toutes les setlists du groupe. Ce sera To Live by the Sword avec un riff absolument magnifique en ouverture. Écoutez ça. So follow the code of honor, die with the sword in your hand. That is the way of the warrior, your forefathers left on the land. The war, the boy. Et après Saxon, dans un style beaucoup plus lent et atmosphérique, ce sera In the Woods. She's the most cruel of bedmates one can have. She's inevitable, everlasting, ever present. She breathes down your neck and tells you the sweetest lies. And she helps you. Voilà, In the Woods, tout de suite, avec son dernier album, Diversum, pour, là aussi, un métal qu'on pourrait rapprocher un petit peu de ce que fait Catatonia, qu'on a écouté plus tôt dans la soirée, beaucoup d'atmosphère et un véritable voyage musical. In Flames, maintenant. Alors, In Flames, cas compliqué, ce sont bien entendu les parrains du death metal mélodique de la scène de Göteborg. Le problème étant que maintenant, depuis maintenant un peu plus de presque 15 ans, Ils ont changé de style et se sont mis à dos une partie non négligeable de leur public. Alors, sur ce dernier album, les critiques ou les premiers morceaux diffusés laissent penser que le groupe fait un peu un rappel à ce qu'ils ont pu produire au début des années 2000 et en fin des années 90, avec de superbes albums comme Colony, Clayman ou alors Just a Race, et qu'ils sont un peu passés sur le côté un peu plus pop, il faut bien le dire, pop, des dernières réalisations. Écoutez-vous cet album, ne vous prenez pas la tête sur les étiquettes et tout simplement appréciez la musique. Voilà le conseil que j'aurais à vous donner ce soir. En tout cas, on va essayer de le découvrir ensemble, ce dernier album d'In Flames qui voit le jour aujourd'hui même du côté de Nuclear Blast. Ça s'appelle Forgones. In Flames tout de suite avec ce dernier album Foregone, sur lequel bien entendu on a un riff qui peut s'apparenter aux premières réalisations du combo, mais qui vire bien sûr sur quelque chose de plus moderne, bien entendu. Alors quelque chose d'absolument pas moderne pour un sou, mais qui malgré tout est super bien envoyé, ce sera Destroyer 666, ce groupe qui nous joue du trash black depuis maintenant plus de 25 ans et qui garde toujours la même fougue. Ça sort sur Season of Mist, Never Surrender. Ce n'est pas une reprise de Saxon, mais le dernier album de Destroyer 666, et on s'envoie ça tout de suite, les amis. Attention, ça défouraille un max. Vous écoutez toujours Overdrive, Radio Audio, il est 22h passé quasiment de 25 minutes. Destroyer 666, on va se quitter là avec Scald et son dernier album Ridun sur cet album Uldul Folk qui vient de voir le jour sur DK Records, de la musique de Viking pour les amateurs de mythologie nordique. Skald tout de suite, Ridun. On rappelle le www.facebook.com/overdrive-radio-duo. On rappelle le www.radioduo.org pour retrouver toutes les annonces concernant la radio en général. Et puis les podcasts hébergés sur Mixcloud, bien entendu. Passez un bon week-end, faites attention à vous et sortez couverts surtout. Ciao, bye bye.